Ces chansons expriment la colère, la joie et l'amour mieux que ne l'auraient fait les journaux, la radio et la télévision. Numéro de MHP, Dr Zorgel, SLJ, Media Barbare. Ancêtres, le feu follet médiatique, la mort par la fenêtre, la série mortuaire tous les soirs aux infos, le dernier serial killer, la une des journaux, les faits divers mortels qui finissent dans le caniveau niveau 0, double 07, sauve ma tête, sortir de ce rouara, faire un peu la fête, oublier les morts, les bandits qu'on arrête, conjurer le sort, être ou ne pas être, bouffer des médocs pour soigner son mal-être, éviter la récession, la dépression, la répression, savoir quoi faire de sa journée sans se poser de questions, sans écouter la radio ni regarder la télévision, le téléphone enfin, la fin du téléthon, la fin des épinards, chez nanar, qu'est-ce qu'on se marre, j'arrête tout, j'éteins tout, j'en ai vraiment marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre, j'en ai marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre. Quand je lis le journal, c'est clair que tout va mal, chaque article est un hic de plus à la morale, on n'a plus d'éthique, qu'on trouve ça normal que chaque jour on se gourde d'état mental, les articles s'enchaînent comme sur toutes les chaînes, les nouvelles sont belles mais c'est toutes les mêmes, des problèmes à tout va chaque jour qui passe, la paperasse ressasse et la caravane passe, qu'est-ce qui se passe, tous les jours on se lasse d'entendre les mêmes crasses qui laissent des traces dans nos mémoires comme des coups de schlasse, des histoires éphémères qui nous grisent la face, des étalages de misère qui s'affairent, des affaires qui m'exaspèrent dans l'espoir de me faire une santé mentale, dans l'espoir de me défaire ce carcan social pour finir sur un pied sale. Marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre, j'en ai marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre. La folie des infos, la télé, la radio, caméra, écran dans tous les rangs, la première compagnie fait souffrir les gens, la télé-réalité réalise-t-elle réellement qu'on est tous pareils et qu'on n'est pas tous dedans, une élite inscrite dans tous les programmes, et toi t'es mort dans la télé, paix à ton âme, viens faire un tour à mon concert et tu seras plus vivant. Vas-y fonce, lâche-toi, écoute-moi bien, j'ai plein de choses à dire et ça fait du bien. Sois blanc ou noir, que tu sois rasta, arrête de te poser la tête dans tous ces médias, libère ton esprit de tous ces états, l'esprit des flancs, cache ta pas la rage, pas vu, pas pris, crève l'écran. Sans durant, pas de temps, pas de temps, pas de temps à perdre avec dénigrement. J'en ai marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre, j'en ai marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre, j'en ai marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre, j'en ai marre de ces médias barbares, marre tous les soirs, j'en ai vraiment marre.